Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 27 février. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional avec la bonne nouvelle de la journée. C'est Simon Paquette de Beaumont-Sessny qui a remporté la médaille d'or aux Jeux du Canada chez les moins de 55 kilos. Paquette a vaincu Cadin Chris Bonnell pour signer la médaille d'or. Sur le Facebook des Jeux du Canada, Simon Paquette a expliqué sa victoire. Donc merci aux gens des Jeux du Canada. On va l'écouter là-dessus. J'ai tout donné à la dernière attaque, là. J'ai lancé l'eau au Bassernier, là. Ça a marché, là. J'ai vraiment tout donné à cette attaque-là. Parle-moi de ta journée de combat. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'espérais? C'est sûr que je suis venu ici en ayant un objectif, puis c'était de gagner. T'sais, on peut être fier en faisant la troisième place, la deuxième place. On peut faire des super beaux combats. Moi, ce que je voulais, c'était de gagner, puis je suis vraiment content d'avoir réussi. Puis ça, mon objectif, puis mes combats, ben, c'était au-delà de mes attentes, puis je suis vraiment content, là. Qu'est-ce que ça représente, une médaille d'or, pourquoi, aux Jeux du Canada? Ça représente une fierté, ça me prouve que mes efforts, que j'ai tout, que les efforts que j'ai faits, genre, ça porte fruit, puis c'est bon, là, puis tu sais, je continue, je n'aime pas le lancer, là. Maintenant, les Castors de Delbault au niveau hockey ont perdu hier 5-4 contre le Marcos Pub de Saint-Félicien. Et hier, dans la section entrevue de DanoSport.com, on a parlé avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. On sait que les Genois d'Allemagne sont en période de recrutement au football. Ça va se terminer pour la première cohorte le 1er mars prochain. Et en entrevue, Jean-Philippe Caron-Tremblay a expliqué qu'il était quand même content de ce qu'il a obtenu jusqu'à maintenant. Donc, non, ça va bien pour l'instant. On est quand même content de ce qu'on voit. On a réussi à recruter là, pas mal à toutes les positions, là, ce qui est bien pour nous. Okay. Je suis allé en France aussi, donc on pense quand même ramener quelques bons joueurs de là encore une fois. Donc, à date, ça se passe plutôt bien. C'est-tu pas mal confirmé Dans un deuxième temps, Jean-Philippe Caron-Tremblay nous parle du remplacement de Jean-Philippe Cordero. Il y a quand même de bons prospects. Certains qu'on a plusieurs noms, là, dont un gars en France là, qui nous intéresse. Ici, au Québec, on a deux gars sur la liste. Là. On attend toujours là, de voir là, qu'est-ce qui va se passer. Je ne sortirai pas de nom aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de... C'est pas signé, c'est rien de fait, mais on est confiant d'être capable de ramener là, un, puis... probablement deux au Québec, plus un Français. Donc, on devrait être capable là, d'avoir une belle relève à cette position-là. Tu sais que c'est le camp d'entraînement des Genois d'Allemagne actuellement au football, le camp hivernal, les Jean-Philippe Caron-Tremblay est très content de ce qu'il voit. Oui, absolument. Il y a du talent. Là. C'est ça qui est le fun. Je le vois qu'il y a du talent. Mes gars de l'an passé se sont beaucoup améliorés. Les recrues sont talentueuses aussi. Donc, à date, c'est plutôt positif de ce côté-là. Là. On a des belles pratiques. On n'est pas si nombreux, mais quand même, on a des bonnes pratiques. Et donc, avec la section entrevue de DanoSport.com, hier, on a parlé d'abord avec plusieurs intervenants du monde du sport. On a parlé avec Marc Fortier, entre autres. On a parlé aussi avec Stéphane Leroyer. Également, on a eu d'autres entretiens dans le monde du sport. Donc, entre autres, Pierre Gay qui nous parle de la Ligue JMS. Sport local et régional, à DanoSport.com. On s'en occupe.